Vini, vini, vini, pono check, girl. Vuwa me pene ye shake, girl. Who gon' let the pono women only time? Sabu when I stop is a plant, y'all this a power crime, girl. Vini, vini, vini, pono check, girl. Vuwa me pene ye shake, girl. Who gon' let the pono women only time? Sabu when I stop is a plant, y'all this a power crime. J'en ai la gourmande des ayants sucrés qu'on veut si moi y'en ai la même. Y'en a qui pour un oui, pour une nuit, pour un lit, te promettent le mariage.